بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé de ces rencontres par ce moyen de communication pour se rappeler mutuellement ce qui nous servira dans ce bas monde et dans le delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Comme je loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce confinement chez soi, qui est incha'Allah, qui sera incha'Allah pour nous et pour tous, tous les soumis, pour nous et pour tous les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, une école pour apprendre nos obligations individuelles et pour les maîtriser et pour les enseigner à ceux qui sont sous notre tutelle et sous notre responsabilité, que nous profitons pour faire de ce confinement pour faire le point sur notre passé et est-ce que nous avons rempli notre manuscrit pas dans le passé par le bien ou par le mal, et essayer du mieux qu'on peut pour remédier à nos manquements vis-à-vis des droits d'Allah, vis-à-vis des droits de ses créatures, vis-à-vis des droits de ceux qui sont les plus proches de nous, nos familles, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, et ainsi de suite. Ce que vous allez entendre n'est qu'une compilation de paroles de savants anciens et contemporains et de paroles de demandeurs de science dignes de la voix des salafs ridwanullah alayhim. Et cette assise, comme toutes les autres assises, ne sont que la mise en application de ce verset وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel fait du bien aux croyants. La situation que traverse le monde, c'est une situation qui est propice à propager les fausses rumeurs, qui ne font que du mal aux gens et augmentent leurs angoisses. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de n'écouter que les dignes de confiance parmi les spécialistes de santé et parmi les dignes demandeurs de science et les savants musulmans, et de ne propager que ce qui va aider les gens et à garder leur espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne propager que ce qui va aider les gens à garder l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va les orienter vers les bonnes positions à adopter pour faire face à cette épidémie et à cette situation. Mais nous devons savoir que mettre en application les moyens concrets de prévention hygiénique et médicale ne sont pas en contradiction avec le fait de mettre sa confiance en Allah azza wa jal et de se soumettre à son destin. Certains vont utiliser les moyens concrets de prévention et n'arrêtent pas d'en parler. Ils oublient le plus important, le fait d'implorer Allah et de lui demander de dissiper cette épidémie et de se repentir et de revenir vers Allah et d'avoir la certitude sur le destin d'Allah et d'avoir des bonnes suspicions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, en général, ils sont éprouvés par une grande frayeur, par une grande angoisse et le fait d'exagérer dans le fait de prendre les précautions et s'appuyer là-dessus et oublier, hein, et s'appuyer que sur cela, c'est une lacune dans le monothéisme de la personne. D'autres sont le contraire de cela, ils négligent le fait d'utiliser les moyens de prévention concrets, médicales et autres, en se limitant tout simplement aux moyens de la législation, comme ils négligent il n'utilise que les du'as, ce qui est bien, la prière et autres. Et cela, c'est une diminution dans la raison. De se limiter à cela, c'est une diminution de la raison. Évidemment, ces deux voies, il manque quelque chose. Et c'est pas juste. Et le juste milieu entre les deux voies, c'est que la personne doit être ferme et réunir entre les deux choses l'utilisation des moyens concrets de prévention et les du'as et avoir la confiance en Allah Azza wa Jal. Et c'est la meilleure des situations dans laquelle doit être le musulman dans ce genre de situation que nous vivons et durant toute sa vie. C'est la voie sur laquelle était le messager alayhi salam dans le combat sallallahu alayhi wa sallam. Il était entre deux armures, une protection, il était entre deux protections pour se protéger et il utilisait les moyens pour réussir, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis la victoire et la suprématie. قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. La traduction approximative du sens du verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et la religion de vérité afin qu'il domine toute autre religion qu'on déplaise aux associateurs. Et avec cela, alayhi salatu wassalam, il utilisait les moyens concrets. Alayhi salatu wassalam. Ce qui nous incombe, c'est d'utiliser les moyens concrets pour se préserver. Et avec ça, on doit croire que ces moyens, c'est pas eux qui repoussent l'épidémie. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la repousse et on doit mettre notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ces moyens. Et en ayant la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala et en implorant Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui le seul qui dissipe tout et c'est Allah qui met la protection dans les moyens. Ces épreuves avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens, c'est pour un but et une sagesse, pour qu'ils reviennent vers Allah, qu'ils se repentent à Allah, qu'ils se rendent compte de la grandeur d'Allah et qu'il est obligatoire de se soumettre à Allah. قال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi et nous les avons saisis avec la pauvreté, la difficulté de la vie, les maladies, pour qu'ils implorent Allah et s'orientent vers Allah. Donc fait partie des buts et des sagesses de ces grandes épidémies et de ces grandes catastrophes, c'est de rappeler aux gens le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal. Car dans notre monde actuel, une grande partie des gens sont accaparés par ce bas monde et par les biens de ce bas monde. Ils s'occupent à amasser la fortune par n'importe quel moyen, au détriment des droits d'Allah, au détriment des droits de son messager alayhi salatu wassalam, au détriment des droits de ces créatures. Et donc l'épreuve vient comme une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens se rappellent Allah et qu'ils se repentent à Allah et qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, les épidémies, les épreuves, les maladies sont une miséricorde d'Allah. Fin de citation. Pourquoi il a dit ça rahimahullah ta'ala? Pour revenir tout simplement vers Allah et accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être qu'avec cette épreuve, la personne arrivera à se réformer en bien. Combien de communautés, leur situation a changé en bien après les épreuves, et combien d'individus ont pris la droiture dans la religion d'Allah Azza wa Jal après les épreuves. Et ça, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal et la clémence avec laquelle il couvre qui il veut. Donc, utiliser les moyens concrets pour se protéger, Ceci est très important. Il ne faut pas le négliger. Mais les moyens religieux sont la base et sont encore plus importants que les moyens concrets. Car si ces épidémies n'arrivent qu'avec la volonté d'Allah, Allah les a voulu. Et si Allah le voulait, il va être, et si Allah le veut, il va être contagieux. Il se déplacera d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas, il restera dans un seul endroit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, il a dit, la adwa, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de contamination. Ça veut dire, comme disent les hommes de science, que la contamination, la contagion se fait par la volonté d'Allah et par Allah azza wa jal. C'est pour ça, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a orienté de s'éloigner des maladies contagieuses. Ce qu'on appelle actuellement dans le monde moderne, dans le jargon de la médecine contemporaine, l'isolement médical. Ceci a été cité dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Qala sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam muslim, la yuridu mumridun ala musih. Ce hadith dit, cela veut dire que celui qui a des chameaux malades ne doit pas les ramener là où sont abreuvés les chameaux en bonne santé. Il ne doit pas les rapprocher de l'abreuvoir des chameaux en bonne santé. Pourquoi ? Pour protéger les chameaux en bonne santé, que la maladie ne les atteigne pas. Donc c'est ce qu'on appelle actuellement, dans le jargon moderne, l'isolement médical. Donc, il a orienté alayhi salatu wassalam de les éloigner, de ne pas les approcher de ceux qui sont en bonne santé, car ça va les contaminer. Mais la maladie ne se propage pas comme ça par elle-même. La maladie se propage par la volonté d'Allah. C'est pour ça que des fois la personne est en compagnie d'un malade atteint d'une maladie contagieuse, mais ça ne le touche pas. Et ça prouve les buts et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa miséricorde. Il a fait qu'il y ait des gens qui vont s'occuper des malades et qui ne seront pas contaminés. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger à Beden. Les savants, les contemporains et les anciens, les hommes de science contemporains et les anciens, ont dit quand quelqu'un est atteint d'une maladie contagieuse, on s'en éloigne. Ce qui s'appelle l'isolement médical. Et ceci est confirmé par notre religion. Ceci est confirmé par la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Le hadith du chameau, c'était à l'instant, le prouve. Et qu'on ne tombe pas dans la confusion. Certains s'occupent. Quand Shaitan ne vient pas jouer avec nous, il commence à dire certains s'occupent du malade, ils ne sont pas contaminés. La contamination se fait par la volonté d'Allah et peut-être que ça, c'est une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait des gens qui s'occupent des malades, etc. Et comment on sait, souvent, ceux qui s'occupent du malade se protègent par les moyens de protection. Et il se peut aussi qu'ils aient une forte immunité. Il se peut qu'ils soient protégés par la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Donc il nous est demandé d'utiliser les moyens concrets, mais la situation entière appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas négliger la prévention médicale, comme il n'est pas permis de négliger les moyens légiférés qui sont les causes les plus importantes pour repousser l'épidémie. Donc il est très important d'utiliser les moyens de prévention et cela n'est pas en contradiction avec le fait d'implorer Allah, avec le fait de faire confiance en Allah, Azza wa Jal. Mais il faut avoir la certitude que les du'a, le repentir, et le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moyen principal pour dissiper les épreuves et pour se protéger. Ces deux choses, fait d'utiliser les moyens et de faire confiance en Allah Azza wa Jal et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu dirais les ailes d'un oiseau. Il en a besoin des deux. Donc, selon les spécialistes, hein, digne de confiance, il faut se laver avec le savon et avec de l'eau chaude et faire attention de ne pas aller partout dans la maison avec les chaussures avec lesquelles on revient de dehors et les mettre sur une serpillière mouillée de la javel et réduire les sorties dehors et mettre en application tout ce qui a été dit à ce niveau-là et se confiner chez soi. On met en application, hein, ce qui a été instauré dans les pays non musulmans, et c'est la même chose qui est instaurée dans les pays de l'islam. C'est identique, la situation est identique. Ce qui est instauré dans les pays non musulmans, hein, c'est ce qui a été instauré dans les pays de l'islam, les spécialistes musulmans et les savants. Et les hommes de science dignes ont recommandé pas de réunion, pas de prière en commun. Et ce n'est pas, hein, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la communauté que la prière ne s'accomplit pas en commun, ainsi que les Jumu'ahs. Hein, donc, on doit implorer Allah, on doit rester ce soir, et on doit se repentir, hein. On doit se repentir, hein, et on doit mettre en application l'ordre des gouverneurs, et parce que mettant l'ordre des gouverneurs, en étant dans les pays de l'islam, hein, et mettant les ordres pour se prévenir en étant dans les pays non musulmans, on est récompensé en tous les cas. Hein. Allah Azza wa Jal éprouve les gens, et comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen, l'épidémie est une miséricorde, est une clémence d'Allah. Pourquoi il a dit ça, rahimahullah ta'ala? Cela nous fait comprendre beaucoup de choses. Cela, ces grandes catastrophes, ces épidémies nous font comprendre la grandeur, la puissance d'Allah, sa clémence et l'immensité de sa miséricorde. Car combien reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ses épreuves. L'imam Dahabi rapporte dans Siyar al-Alam Nubala, le tome 18 à la page 311, qu'en 448 de l'Égypte est arrivé en Égypte et en Andalousie une grande sécheresse, une grande épidémie. Les mosquées étaient fermées et cette année-là a été appelée l'année de la grande famine. Ibn Kathir rahimahullah rapporte dans le Bidaya ou Nihaya, dans le tome 13, et ça ne peut être que la suite de ce qu'a cité Dahabi, parce que si on l'an 449 de l'Hijr, il a dit, rahimahullah, s'est propagée une grande épidémie qui a tué beaucoup de monde. La famine s'est propagée au point que les gens se sont mangés entre eux, ils ont mangé les chiens et les cadavres, ils ont déterré les morts. Il dit, rahmatullah alayh, et il y a eu un grand incendie qui a brûlé beaucoup de monde. Les riches ont fait la charité de leurs biens. Les gens se sont réfugiés dans la prière, dans les mosquées, et ils ont cassé les instruments de musique, et ils se sont débarrassés du vin et de l'alcool, et le mal s'est dissipé. Fin de citation, hein, de Bidaya al-Nihaya d'Ibn Kathir. Et cela, ce que nous venons d'entendre, que les gens se sont repentis, ils ont cassé des instruments de musique, etc., nous rappelle et nous fait comprendre la parole de Cheikh Al-Uthaymeen que ces épidémies, c'est une clémence min Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut revenir vers Allah, qu'il faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, les anciens, ils les ont déversés, les vins, l'alcool dans les rues, alors qu'on propage comme quoi certains dans les pays de l'islam font des réserves d'alcool. L'ayadan billah. Nous devons réfléchir et revenir vers Allah Azza wa Jal et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblé de ce grand bienfait qu'est l'islam et de nous avoir comblé de cette épidémie pour se poser des questions sur nous-mêmes, sur notre passé et qu'est-ce que, avec quoi on veut rencontrer Allah Azza wa Jal. Savoir qu'il y a eu, dans l'histoire de la communauté musulmane, il y a eu 5 grandes épidémies. Une à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, en l'an 6 de l'Hégire, qui s'appelle Ta'un Sherawai, qui se passait à Al-Mada'in, qui est un département du Hijaz, qui est sur le chemin, sur la route du Cham vers l'Irak. Et il y a eu une deuxième grande épidémie qui est le Ta'un de Amwas, en l'an 18 de l'Hégire. Amwas en Palestine. C'est là où Omar ibn Khattab était sur le chemin d'aller rentrer là-bas vers la Palestine. Abdurrahman ibn Auf lui a dit, il faut revenir. C'est ce qu'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous entendez parler d'une épidémie quelque part, n'y entrez pas. Et quand vous y êtes, n'y sortez pas. Et le troisième, c'est en l'an 69 de l'Hégire, il s'appelle Jarif, c'était en Irak. Ils l'ont appelé Jarif parce qu'il était comme l'eau qui emporte tout. Comme l'eau qui emporte tout. Donc il a emporté beaucoup et ils l'ont appelé Jarif. Il y a aussi en l'an 89, celui du Fatayat ou Ta'ul Ashraf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des épidémies. Na'oudu billahi min al-awbi'a, wal-amrad, wal-judam, wa sayyil asqam. Comme il est rapporté dans l'interprétation de l'authentique de Sahih Muslim, de l'authentique de Muslim, Abu al-Hassan al-Mada'ini a dit, il y a eu 5 épidémies dans la communauté musulmane, dont fait partie Ta'ul Jarif, à l'époque de Ibn Zubayr, en l'an 69. En 3 jours, il y a eu 70 000 morts chaque jour, durant ce Ta'o, cette épidémie. Anas ibn Malik a perdu 73 ou 83 fils et petits-fils. Anas ibn Malik avait beaucoup d'enfants et il a dit lui-même qu'il a entouré 102 enfants, c'est-à-dire entre ses enfants et ses petits-enfants. Et ses arrière-petits-enfants. C'est normal, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait dua. Il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie, qu'il lui donne une grosse fortune et qu'il lui donne une grosse descendance. Et le dua du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam s'est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ce dua pour Anas ibn Malik. Pour ça, rien d'étonnant. Comme quand il a dit, il a entouré plus de 102 enfants. Dans lesquels, ça veut dire enfants et petits-enfants, et ainsi de suite. Et pourquoi, réfléchissons, pourquoi on subit les épidémies et les catastrophes? قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le verset nous dit ceci. La sécheresse, les épidémies ont apparu sur terre ferme et dans les mers à cause des péchés des gens pour qu'ils subissent le châtiment de ce qu'ils font comme mal et qu'ils reviennent vers Allah. Et qu'on regarde, qu'on réfléchisse dans les vols, dans les avions, combien d'alcool et combien de mal il y a dans les vols, et d'exhibitions et etc. Et du service d'alcool et ainsi de suite. Combien il se passe dans des bateaux de croisière, qu'est-ce qui se passe pas dans les mers, etc. Combien même parmi les fortunés musulmans partent avec des grands bateaux pour jouer au poker au fin fond des mers et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim dit, donc da'u wa dawa, la maladie est son remède. Il dit, Allah nous fait goûter un peu de nos œuvres. C'est-à-dire, il nous fait goûter le châtiment de nos œuvres. Un peu de châtiment de nos œuvres. S'il nous faisait subir le châtiment de toutes nos œuvres, personne ne resterait sur terre. Fin de citation. Et en cette période où on est confiné ses choix, il est bon de prendre ce livre Da'wat Dawa, de le lire, de se pencher sur ce livre. Ce livre nous ferait comprendre beaucoup de choses. Et peut-être il nous aiderait à revenir comme il se doit vers Allah Azza wa Jal. Sa'di rahimahullah dit dans son tafsir à la page 337, il dit, fait partie de la sunna d'Allah, quand les gens subissent le châtiment, ceux qui ordonnent le bien et blâment le mal seront sauvés. Fin de citation. Donc, il nous incombe d'accomplir cette noble acte d'adoration, cette noble sha'ira de l'islam qui fait partie de notre religion. Se conseiller mutuellement le convenable, s'interdire mutuellement le mal et le répréhensible, accomplir cette noble adoration en commençant par nous-mêmes, en purifiant notre intérieur et en essayant d'amender nos cœurs, nos âmes, et aussi en orientant ceux qui sont sous notre responsabilité et sous notre tutelle vers le bien, vers le fait de se soumettre à Allah et d'accomplir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et ceux que nous pouvons conseiller, on leur prodigue le conseil de la meilleure des façons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté dans Sunan ibn Majah, que l'Albani rahmatullah alayhi a authentifié, قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أوذوا بالسنين وحدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Écoutez ce hadith, méditez-le comme si le prophète عليه الصلاة والسلام le prophète alayhi salatu wasalam remédie aux problèmes et parle des problèmes que nous vivons. Il parle de ce qui se passe maintenant. Il parle de cette turpitude, de ce blâmable qui s'est propagé et aux yeux de tout le monde. Il a dit alayhi salatu wasalam dans ce hadith authentique, ô muhajiroun, ô vous qui avez quitté la Mecque vers Médine, 5 défauts. Si vous êtes éprouvé avec, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vous en soyez épargnés. Contre la fornication, l'homosexualité, etc., apparaît dans un peuple et se propage et que les gens en parlent et se pratiquent à grande échelle, ils subiront la peste et les souffrances que leurs aïeux n'ont pas connues. Ils comptent, ils tricheront sur le poids des matières et des marchandises. Ils seront éprouvés par des grandes sécheresses et par le manque de nourriture et par la tyrannie des gouverneurs. Ils comptent, ils ne s'acquitteront pas de la zakat, de leur fortune. Ils seront privés de la pluie. Et si ce n'est les animaux, ils n'auraient pas eu de pluie. Ils ne seraient pas... ils ne recevraient pas de pluie. Et quand ils ne remplisseront pas leur engagement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de son messager, alayhi salam, Allah enverra sur eux un ennemi en dehors de leur communauté. Ils prendront ce qu'ils ont dans leurs mains, et contre leur gouverneur ne jugeront pas avec le livre d'Allah, et qu'ils ne mettent pas en application ce qu'Allah a descendu. Ils s'entretueront entre eux, et utiliseront leur force entre eux. Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, dans une khutbah qui s'appelle l'impact néfaste de la désobéissance, nous dit, les choses citées dans ce hadith sont devant tout le monde. Les choses citées devant ce hadith sont devant tout le monde maintenant. Quand les péchés ont apparu et qu'ils n'ont pas été blâmés, plus il se trouve des gens qui ont courage à les commettre, prétextant la liberté de l'opinion et prétextant qu'il ne faut pas s'immiscer dans la vie des autres. Quand ces turpitudes ont apparu dans les sociétés, et il y a eu ceux qui les défendent et ceux qui les propagent et les encouragent, et que les gens du bien se sont tus ou ils ont faibli, cela fait que les gens sont éprouvés par ce que vous voyez comme grave maladie qui tue, face à laquelle la médecine ne peut rien faire. Ils sont éprouvés par les douleurs et les souffrances que ne connaissaient pas les communautés antérieures. Et combien vous entendez, il dit, rahmatullah alayh, parler de maladies qui n'existaient pas auparavant et qui ne sont pas citées dans les pages de l'histoire. Ce sont des maladies nouvelles qui tuent, la médecine ne l'aura pas trouvé de remède. Et ces maladies sont nombreuses et propagées dans les sociétés. Et chaque jour apparaît une variété de maladies qui n'existaient pas auparavant. À tel point que ces maladies atteignent les oiseaux que les gens consomment et qu'ils touchent. Ces maladies se sont propagées dans les animaux que les gens consomment. Ils se sont propagés dans les eaux et dans les environnements où habitent les gens, au point où la médecine est incapable de leur faire face. Malgré ses progrès, malgré ses moyens, malgré le grand nombre qui existe de médicaments, malgré tout ça, les maladies augmentent et tuent les gens, et les gens y assistent, ébahis, ils ne peuvent rien du tout. Fin de citation de la parole, de ce grand imam de notre époque qui est Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde encore, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Méditons ces cinq choses citées dans le hadith pour renforcer notre certitude sur le message de notre messager. D'abord, il y a dans ce hadith la confirmation d'une règle de la législation, que toute catastrophe, toute épreuve et épidémie sont causées par les péchés des serviteurs. قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Il est dit que dans la traduction approximative de ce verset, ce qui vous arrive comme malheur, comme catastrophe, c'est parce que c'est la cause de vos mauvaises œuvres, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Donc les châtiments de la désobéissance ne sont pas limités à l'au-delà seulement. Il se peut que les personnes subissent le châtiment dans ce bas monde. Il y a certains péchés dont nous avons reçu l'éclaircissement sur leur châtiment dans ce bas monde, comme ces cinq péchés contenus dans ce hadith. Regardez le premier péché, la propagation à grande échelle de l'adultère, de l'homosexualité et son apparition dans les sociétés à la vue de tout le monde. Le châtiment de cet horrible acte, c'est que les gens soient éprouvés par les maladies qui n'étaient pas connues auparavant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et la turpitude apparaît dans les sociétés parce que la foi a faibli ou il a disparu. Regardez ce qui se passe devant vous en Europe, ce stade de débauche et de libertinage. Des fois, Tu veux prendre l'air dans un parc ou marchant au bord du Rhône, dans la région où je suis ici, et que tu es heurté tout d'un coup dans un coin isolé à te retrouver avec ces camions de 9 places qui sont réservés à la prostitution. Voilà, yadoun billah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et combien aussi dans les pays de l'islam, ces associations qui sont apparues, hein, d'homosexuels, qui demandent l'autorisation et la liberté de vivre ensemble sans être contraints par les lois du mariage et ainsi de suite. Bah, regardez la cause, c'est quoi? Le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est que les véridiques, qui n'a dit que la vérité. Le deuxième péché dans ce hadith, le fait de diminuer et de tricher sur les poids des marchandises, que ce soit l'or, que ce soit les denrées alimentaires ou autres, au moment de la vente. Ah, le fait de tricher sur, dans le poids, sur la matière qui se vend. Et là, il en découle deux châtiments. Le premier châtiment, la chisseresse et le manque de denrées alimentaires. Regardez ce qui se passe dans notre pays, dans d'autres pays, au niveau de la chisseresse. Le deuxième, ils seront éprouvés par des gouverneurs injustes qui vont leur rendre la vie difficile et qui vont les engloutir sur les taxes, sur les impôts. Ils leur feront subir du préjudice, etc. Le troisième péché cité dans le hadith, le fait de ne pas s'acquitter de la zakat ou de ne pas la sortir complète. Celui qui a la fortune doit savoir que c'est une épreuve pour lui. Est-ce qu'il s'acquittera ce qu'Allah lui a fait obligatoire ou pas? C'est une épreuve. La fortune est une épreuve pour voir si on va s'acquitter de son devoir ou pas, et qu'on va s'acquitter, hein, des droits des autres, et on va donner cette zakat au droit de haut à ceux qui la méritent et à ceux que c'est leur droit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait, que tu sois responsable, hein, des droits de certaines personnes. Ils sont entre tes mains de par cette zakat, les nécessiteux, les pauvres, ceux, et ainsi de suite, les 8 catégories de personnes qui sont citées dans le verset. Et quand les gens ne s'acquittent pas de leur zakat, Allah les prive de la pluie. Et ça peut durer plusieurs années. Et si ce n'est les animaux, Allah ne descendrait pas d'eau du ciel. Et on sait les dégâts de la sécheresse, que ce soit au niveau de la culture, ou au niveau de la végétation, et au niveau du bétail, et aussi au niveau de la propagation des maladies. Le quatrième péché, trahir et ne pas être loyal dans son engagement. Cette religion musulmane, c'est une religion de véracité et de loyauté dans les engagements. Les engagements doivent être respectés, que ce soit des engagements avec les mécréants ou avec les musulmans. Combien de gens et de leçons, même non-musulmans, ont été tués par certains qui n'ont pas respecté les engagements, hein, pris par les gouverneurs des pays de l'islam et ainsi de suite. Que ce soit des touristes dans les pays de l'islam, que ce soit, hein, dans les pays de mécréants qui t'ont donné une carte de résidence, hein, ou une nationalité, c'est une forme d'engagement. Hein, s'ils savaient que tu allais les trahir, ben tu ne l'aurais pas. Et donc on regarde où ça amène le fait de ne pas être loyal vis-à-vis de son engagement. Et quand les gens ne respectent pas les engagements, Allah envoie les ennemis, des ennemis plus puissants qu'eux, qui vont s'occuper, qui vont s'accaparer de leurs biens, et qui vont les maltraiter, les humilier, etc. Le cinquième péché dans ce hadith, le fait de juger avec autre que les lois d'Allah, Azza wa Jal. Allah, Azza wa Jal, quand on juge pas avec ce qu'il a descendu, instaure la haine entre eux. Et chacun attend l'occasion pour sauter sur les autres, sur l'autre. Instaure la haine entre les musulmans et chacun attendra l'occasion pour sauter sur l'autre. Regardez combien de guerres se font entre musulmans. Et quand on médite notre situation, on voit comment, qu'est-ce qu'on vaut. On voit bien comment on vaut rien aux yeux des juifs, aux yeux des chrétiens, aux yeux des ennemis d'Allah. Et ceci prouve la véracité de notre messager, alayhi salatu wassalam. Regardez ce que le messager a dit il y a plus qu'un siècle, il y a 15 siècles à peu près, et méditez notre situation. Nous devons revenir vers notre souverain, vers notre Seigneur, d'un retour véridique et authentique. Regardez et méditez ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, il y a 8 siècles, dans son livre « Al-Fawa'id ». Il n'y a aucun doute, ça c'est un livre aussi sur lequel il faut se pencher. Il n'y a aucun doute que de permettre aux femmes de se mélanger aux hommes est l'origine de tout désastre et de tout mal. Ceci fait partie des facteurs les plus graves causant la descente des châtiments générales et parmi les facteurs qui causent le désordre social ou privé. Cela est facteur de mortalité en masse et de propagation d'épidémies, de peste et de peste dévastatrice. Lorsque les prostituées se sont mélangées à l'armée de Moussa alayhi salatu wassalam et que les turpitudes se sont répandues au milieu de cette armée, Allah leur a envoyé la peste causant en un seul jour la mort de 70 000 hommes. Cette histoire est relatée dans certains livres du tafsir. La fornication à grande échelle est parmi les pires facteurs des morts générales, de la mort généralisée, dont la cause est le fait de laisser les femmes s'exhiber et de se mélanger aux hommes. Hein? Donc, c'est les détenteurs du pouvoir réalisent ce qui en résulte comme corruption au sein de la société avant même celui de la religion, ils seraient plus stricts quant à son interdiction. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans le Fawa'id. C'est un livre sur lequel il faut se pencher. Frères et sœurs, en Allah Azza wa Jal, la situation actuelle Frères et sœurs, en Allah Azza wa Jal, la situation actuelle ne permettra, Inch'Allah, de réaliser le sens de la parole du messager, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, hein, que Cheikh Al-Albani, rahmatullah, a dit que c'est un hadith hassan, dans la chaîne des authentiques, et il est dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari, et dans Tirmidhi aussi. Qala alayhi salatu wassalam, من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكما أن حيزت له الدنيا comme dit ce hadith et qu'on réalise le bienfait dans lequel on se trouve. Regarde, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, celui qui se réveille le matin, ayant la sécurité pour lui et sa famille, et qu'il est en bonne santé, et qu'il a la nourriture de sa journée, il a tout le bas monde. Il a acquis le bas monde entier. Mohammed ibn Salam, al-Basri, al-Jumahi, rahimahullah, dans l'histoire de Bagdad, Tarikh Bagdad, dit, l'être humain est dans l'insouciance jusqu'à ce qu'une maladie le réveille. L'être humain est dans l'insouciance jusqu'à ce qu'une maladie le réveille. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad, a dit, si ce n'est les épreuves de la vie et ces catastrophes, le serviteur serait atteint d'orgueil. Il serait imbu de lui-même et injuste. Il serait atteint de dureté du cœur, ce qui causera sa perte et sa destruction tôt ou tard. Donc, fait partie de la miséricorde d'Allah, le plus grand clément, dont la clémence est immense, c'est qu'il rappelle son serviteur par différents remèdes et catastrophes pour qu'il l'humanise contre ces maladies qui sont l'orgueil, le fait d'être imbu de soi, la jalousie, ainsi de suite, l'injustice. Et pour préserver sa soumission à Allah, Azza wa Jal, et pour le vider de ces mauvaises matières qui sont l'orgueil et autres, qui provoquent sa perte. Gloire à Allah Azza wa Jal. Gloire à celui qui couvre de clémence par ses épreuves et qui éprouve par ses grâces, subhanahu wa ta'ala. Et comme il a été dit, certains seront dans la grâce par l'épreuve, même s'il est énorme, et certains seront dans l'épreuve avec les grâces. Certains vont être dans la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec l'épreuve, même s'il est énorme pour eux. Et d'autres vont être dans l'épreuve avec les grâces avec lesquelles ils sont comblés. Si Allah ne guérit pas ses serviteurs avec les remèdes des épreuves, ils vont dépasser leurs limites, ils vont être injustes, ils vont faire n'importe quoi et agir n'importe comment et transgresser les lois d'Allah. Allah, quand il veut le bien pour quelqu'un, il lui fait goûter et boire le remède de l'épreuve selon sa situation pour lui faire vider les mauvaises matières qu'il a dans son cœur qui vont causer sa perte. Et quand il l'aura purifié, nettoyé, il le prépare pour les nobles degrés. Il le prépare pour les nobles degrés dans ce bas monde. Et le noble degré dans ce bas monde, c'est la soumission à Allah. Et il le prépare pour le plus haut degré des récompenses dans l'au-delà, qui est le fait de voir Allah et de s'en approcher. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, le tome 4, la page 173. Et on va arrêter là, Inch'Allah, pour cette première séance, pour reprendre, Inch'Allah, à 21h. Hein? Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allah ilaykum wa jazakumullahu khairan.